Chapitre deuxième. Louis écoutait, amusé par la verve superbe de cet homme du Nord, solide et roux, que les « thé », les « très bien », les « parfait », les « bonbons péquer » de Molina, et prenait visiblement. Mais le peintre remarquait une chose, c'est qu'à mesure que Guillemard s'échauffait, s'emportait, s'emballait, faisait clapoter comme un drapeau son programme, flambait comme un soleil de pyrotechnie les bénéfices futurs. Le visage noireau de Célestin Rodio semblait se renfrogner et devenir glacé. Le gratte-papier à face d'huissier de campagne réfléchissait, les paupières baissées, regardant de temps à autre, d'un petit coup d'œil de côté, très bref, Alice Hervier, dont les yeux bleus se faisaient très sérieux. À chaque chiffre clamé par Guillemard et souligné par Molina, Rodion, ses deux mains sur la table, hochait la tête, tout en battant rapidement une marche de ses doigts aux ongles rongés. L'hameçon est d'or, pensait Louis, mais ça ne mord pas. Et instinctivement, il trouvait que cet homme prudent et muet avait raison. Toutes les belles fanfares de Guillemard lui paraissaient sonner faux. C'était peut-être parce que l'impassibilité d'Alice, plus belle encore dans cette froideur de marbre, s'associait évidemment au silence de Rodion, que Louis penchait vers l'associé de Mademoiselle Hervier. Mais bien certainement, c'est pour Célestin Rodion qui lui pariait. Sans compter, se disait-il, que Rodion est plus canaille. Car il avait la foi, ce Guillemard. Évidemment, il y avait en lui de l'artiste épris de son œuvre au moins autant que de l'annoncier tambourinant une affaire. Il jouait avec les millions par amour du succès, du bruit et de la gloriole, comme Rodion les amassait par amour du lucre. Louis gardait encore son esprit de fin parisien, assez libre pour comparer entre ces trois hommes. Guillemard, fils de ses œuvres, laborieux, familial, ayant vécu à Paris sans rien goûter de Paris, glorieux de s'entendre appeler le grand Guillemard, de faire silence à la bourse quand il parlait, de traîner après lui une grappe de courtiers et de remisiers, malin mais point féroce, important mais point mauvais. Molina, pétri de vices et saturé de plaisirs achetés au tas, maître du foyer de l'opéra, la lèvre rouge sensuelle et ses joues fraîches colorées du beau sang israélite, toujours frotté à la poudre de riz des petites danseuses, aimant l'argent pour les voluptés qu'il donne, pour les revanches qu'il assure, et parce que ses millions lui permettaient de rencontrer parfois le baron. Ne l'avait-on pas vu au temps de Sulpice Baudray, l'ancien ministre de l'Intérieur, traité de père à compagnon avec les excellences, lui, le fils de misérables marchands juifs? Célestin Rodion, enfin, devenu féroce, presque naïf au temps où on l'envoyait à Mazas, et ayant rapporté de là des plans de petits Machiavel bourgeois, rapaces et haineux, n'adorant qu'une chose, l'argent, et qu'un être, Alice Hervier, ou plutôt n'aimant que ses appétits, tout à ses rancunes et à ses haines, l'air d'un chacal enfermé dans une étude d'huissier, mordant et processif, connaissant jusqu'au tuf ce Paris que Guillemard, resté toujours un peu le bourgeois de Lille, ne connaissait pas, et dont Molina le tombeur ne savait lui que les sommets et les coulisses de High Life. Étonnant, enfin, jusqu'à ce blasé de Louis, qui ne s'étonnait de rien. Et ayant lancé pendant ce repas des aperçus qui avaient donné au peintre un petit frisson et fait songer à Alice Hervier. Est-ce possible qu'un homme aussi fort avec les autres soit aussi faible avec moi? De son air méchant d'agent d'affaires implacable, Rodion s'était donc mis à dire, lui, qui ne vivait que pour l'argent, la vérité à ces hommes d'argent, simplement pour avoir le droit de la dire, en philosophe irrité contre la société dont la griffe l'avait, un jour, saisi au collet et poussé au tribunal. Voyez-vous, avait-il ricané. Moins que jamais, la fortune est respectable aujourd'hui, socialement parlant. Elle pousse trop vite, elle l'est trop facilement et trop audacieusement acquise, enlevée comme crochetée. Tout spectateur, alléché par les surprises des coups d'audace ou des coups de ruse, se dit « Pourquoi pas moi, puisque c'est si simple ?» De là, les appétits farouches, les prurites sombres, toutes les tentatives d'en bas. Autrefois, les nobles, maîtres de l'ancienne société, étaient plus respectés que les riches, conquérants de la nouvelle. On ne pouvait en effet se faire noble. Ça s'achetait la noblesse, mais ça ne se donnait pas. Le pâteau parvenu restait embourgeoisé quand même. Au lieu qu'aujourd'hui, l'exemple est tentant, et il faut le suivre, sa perlotte. En un jour, en une nuit, on peut être riche, épouvantablement riche, alors quoi? Ça emballe tout le monde. À la bonne heure, songeait Louis. Un monsieur qui a l'aplomb de faire de la morale en sortant de la correctionnelle, voilà un homme solide. Et Rodillon ajoutait, regardant son verre de Château-Yquem à la lueur des bougies. Plus nous allons, plus la moralité stricte devient de la bêtise. Plus nous irons et plus elle deviendra de la stupidité. Elle ne t'étouffe pas pourtant l'honnêteté, pensait Guillemard. Et l'autre continuait. Il faut peut-être avoir de l'honnêteté, et encore cela dépend. Si on tient à la considération à laquelle Schwarzheim ne tient pas. Mais certainement, cette honnêteté, il ne faut point la montrer. Pour qu'on respecte, c'est-à-dire pour qu'on vous redoute, il faut qu'on dise de vous « Méfiez-vous, c'est un malin ». Et, les examinant l'un après l'autre, ces trois hommes dont le trio représentait une des puissances de Paris, capables à eux trois de tyranniser la bourse et de tenir tête aux vieilles maisons historiques, Louis Ribert, comparant le présent au passé, se disait que les fermiers généraux d'autrefois, ces gros hommes au sourire fin, au menton gras et rasé, le ventre rond sous les basques d'un gilet broché, ces jouisseurs que la tour immortalisait de son pastel, et dont Vandelot peignait les maîtresses, ses traitants et ses partisans, usuriers bibliophiles, banquiers artistes, espèces de grands seigneurs du sac d'écu, n'étaient, avec tout leur esprit, que des enfants à côté des banquiers, des financiers, des manieurs d'argent d'aujourd'hui. Autant vous comparer une chaise à porteur vernie par Martin à une locomotive fabriquée par Kyle, se disait le peintre. Turcaret reculerait devant les combinaisons des rouleurs et des roublards de l'heure actuelle. Et s'il entrait à la bourse, ah Dieu de Dieu, il aurait l'air au milieu de ses tripoteurs d'un provincial et d'un niais. Parbleu, ajoutait le peintre en lui-même, le fameux Guillemard me fait bien l'effet d'un Don Quichotte à côté de cette fouine de Rodillon. Il était déjà bien décidé, d'ailleurs, s'il se jetait dans l'affaire, à suivre les inspirations de Célestin et non celles d'Émile. La froideur féroce de Rodillon lui donnait confiance. Rodillon, en effet, n'avait pas sourcillé pendant que Guillemard avait entonné sa Marseillaise. Et lorsque le créateur de la banque lui dit enfin triomphalement « Eh bien ?» Célestin répéta simplement d'un ton sec avant de répondre « Eh bien quoi ?»« Eh bien, » reprit Guillemard, « vous n'êtes pas convaincu ? Vous ne sentez pas là qu'il y a une affaire étonnante ? Voyons, tu ne le sens pas, Rodillon ?» Rodillon hochait toujours la tête. « Non, c'est dangereux, ça blesse trop d'intérêt. Tu vas voir contre toi toute la tribu d'Israël. »« Eh, donc pas tout, Célestin ?» fit Salomon Molina, « puisque je suis avec Guillemard. »« C'est quelque chose, oui, parbleu, certainement, mais quoi, voyons ?» demanda brusquement Guillemard le teint d'une couleur de brique. Rodillon regardait toujours de côté Alice Hervier, impassible, et qui, tout en grignotant dans leur collerette de papier plissé des marrons glacés, semblait dicter silencieusement à Célestin l'ordre de s'abstenir. « J'avais compté sur toi, dit Émile, dans cette affaire comme dans la banque de Souabe. »« Qu'a fait crever le vieux Ducret ?» fit observer Rodillon. « Par ta faute, un ordre mal compris, une gaffe. » Rodillon semblait de mauvaise humeur, et ce souvenir de Sylvain Ducret, ce rappel d'une gaffe, comme disait Guillemard dans son argot, parut l'exaspérer. Il eut un mouvement brusque et dit d'un ton violent « D'ailleurs, ce n'est pas tout ça. » Je n'entre plus dans les syndicats, cela me dégoûte. Et puis, ajouta-t-il en ricanant, étant libre, on peut pêcher partout. Alice Hervier continuait à émietter entre ses jolies lèvres rouges les marrons glacés, et elle regardait d'un air singulier Louis Ribert, qui trouvait décidément que le Rodillon n'était pas un sot. Cet homme avait eu sur sa peau rugueuse une sorte de frisson sensuel en disant impudemment, on peut pêcher partout. Le pince-maille, et l'oracle denier se dévoilait en plein sur cette face inquiétante où le moindre sourire d'Alice allumait des bestialités de fauve. Le vrai tombeur, pensait Louis, ce n'est point Molina, c'est celui-ci. Guillemard, qui admirait moins Rodillon, ne se cachait pas pour être furieux. Il avait jeté sa serviette sur la table et, buvant coup sur coup deux verres de chartreuse, il semblait chercher, afin de décider Célestin, une raison concluante. Il ne la trouvait pas. Il avait tout dit. Déshabitué des obstacles, la moindre contradiction l'exaspérait. Il ne lui vint qu'une interrogation aux lèvres. « Alors, c'est dit, tu ne marches pas avec nous ?»« Non. » « Tu sais que qui n'est pas avec moi est contre moi. Pourquoi ?» fit Rodillon, très doux. « Parce que c'est comme ça, n'est-ce pas, Molina ?»« Oh, bé !» répondit Salomon qui riait. Et Guillemard ajouta brusquement, regardant Rodillon en face. « D'ailleurs, toi, écoute, jouons carte sur table. J'espérais te convaincre, mais je crois t'avoir deviné. Tu es tout prêt à me jeter des bâtons dans les roues, tu crois ?» Tu rôdailles dans les bureaux de Nathan et fils. » Rodillon devint blême. Son œil, noir comme un grain de café, chercha les yeux d'Alice Servier. Alice passait pour recevoir chez elle volontiers le plus jeune des fils Nathan, le petit Élie. Par elle et par Élie Nathan, Rodillon, disaient les envieux, connaissait les plans de campagne de ses césarions financiers. Il les avait combattus parfois. Peut-être pouvait-il les servir maintenant. Guillemard voyait juste, mais ce nom de Nathan, jeté là tout haut, en face d'Alice, blessait publiquement le misérable dans ses jalousies cachées, dans son amour bafoué par la belle fille. Elle, impassible, admirablement jolie, de ses longs doigts blancs chargés de bagues, pelait maintenant une mandarine et en portait les morceaux à ses narines roses qui frémissaient doucement à ravir. Louis ne la quittait pas des yeux, et Guillemard, le dos renversé sur sa chaise, les mains dans ses poches et ses yeux tout rouges, ajoutait, cherchant pour le braver, le regard de Rodillon. « J'aurais dû me méfier de toi. Tu es l'homme de Nathan, c'est certain maintenant. J'étais prévenu pourtant. Et je t'ai fait là tout mon boniment comme un ami. Je me suis livré. Bah, je m'en moque. Je me soucie de tes Nathan et de toi comme ce bouchon, tiens. » Il prenait brusquement le morceau de liège et l'envoyait sauter au plafond. « Et si vous voulez faire les méchants, je vous écraserai à Dieu comme des pucerons. » Molina rayonnait. Il trouvait de l'énergie à ce Guillemard. Il avait du sang, Guillemard, et des idées. Le Marseillais avait foi en lui. Rodillon laissait dire. Il se ramassait sur lui-même, les épaules larges, regardant à travers ses cils noirs le gros Émile avec des yeux haineux. Louis sentait dans ces discussions d'une fin de repas, commencées dans les rires d'une causerie parisienne, quelque chose de latent qui menaçait, comme une sentence d'arrêt de mort. L'association projetée finissait par une provocation. Et quel duel, celui de l'argent où l'on se vise au ventre. « Tu nous écraseras ?» dit Rodillon, qui se mit à rire d'un rire effrayant, très sec. « Oh, sans pitié, comme un marteau-pilon aplatirait une noisette. » « Il y a des marteaux qui se cassent, » fit Rodillon. « Une paille et ça suffit. Cette paille-là vous fait coucher sur l'autre. » Il s'est élevé, enchanté de sa plaisanterie, faisant signe à Alice Servier de le suivre. Elle, nonchalante, le coude sur la nappe et sa main blanche perdue dans ses cheveux roux, ne semblait pas comprendre et regardait Louis. Le peintre se sentait un peu troublé. Une atmosphère bizarre, faite de gaz et de flammes alcoolisées, remplissait cette salle gothique d'une chaleur lourde où se mêlait un parfum d'alcôve. Nul doute qu'une griserie de colère ne monta au cerveau des Guillemard, comme au temple de Louis Ribert battait une fièvre singulière, une tentation brusque, celle d'un caprice. Alice Servier le regardait toujours, et lui, maintenant, la trouvait belle, sans même avoir besoin de songer qu'elle ressemblât à Raymonde. Une parole terrible de Guillemard tomba, brutale, comme un coup de poing, rompant brusquement ce dialogue silencieux des regards. Rodillon avait menacé niaisement le grand Guillemard de la paille sur laquelle meurent les pauvres. « Eh bien toi, » répondit Émile, « prends garde, toi, d'aller redormir sur les paillasses de Mazas. » Louis se dressa tout droit. Il avait vu l'œil farouche de Rodillon chercher sur la table quelque objet, une carafe à jeter au front ou un couteau à planter dans le cou de Guillemard. Les mains crispées de l'homme insulté dans son plus atroce souvenir cherchaient instinctivement une arme et se tordaient en griffes. En une seconde, autour de la table, tous furent debout. Rodion, livide, les lèvres vertes, avec de l'écume qui lui venait. Alice, très pâle, foudroyant Émile du regard, comme s'il y avait un peu de boue pour elle dans cette poignée de fange à celui qu'elle avait aimé. Et Molina entraînait Guillemard, pendant que Rodion, la face convulsée, balbutiait des menaces. « Ça, vois-tu ça, tu me le paieras, ça. Tu me le paieras, tu me le paieras. C'est une lâcheté, ça. Ça, de toute ta peau, entends-tu, tu me le paieras. » « Quand tu voudras, » dit Guillemard, pourpre de rage. « Oh, pas à l'épée, pas au pistolet, ne crains rien, » répétait Rodion, « j'ai mes armes. Tu me le paieras, tu me le paieras. » Alice Servier lui avait pris les mains, le retenait, collait à lui sa jolie tête rousse, lui répétait tout bas. « Laisse donc, qu'est-ce que ça te fait, des bêtises ?» Et Rodion redisait toujours, hébété, hideux, « tu me le paieras, tu me le paieras !» Tandis que Louis et Molina entraînaient hors du cabinet Guillemard, qui répétait très haut « A-t-on jamais vu ça ? La paille, mourir sur la paille, moi, l'imbécile !»